Leçon 3. Document 1, page 58. Maman, je voudrais te dire quelque chose. Je vais prendre un appartement avec Julien. Pourquoi? Tu n'es pas bien ici? Si, mais je voudrais vivre avec Julien. Et qui va payer le loyer? Julien va le payer. Il travaille. Et le ménage? Tu détestes le faire? Oui, mais Julien sait le faire. Sa mère lui demande souvent de le faire chez eux. Et le repassage? Julien va le faire. Il adore ça. Et les courses? Tu ne les fais pas ici. C'est vrai. Mais Julien les fait très bien. Il aime beaucoup les supermarchés. D'accord. Mais Julien ne sait pas faire la cuisine, et toi non plus. Pas de problème. Sa mère va lui donner des recettes et lui expliquer comment faire. Moi aussi, je peux t'expliquer. Non, merci, c'est inutile. Il est parfait, ce garçon. Tu es sûre qu'il veut habiter avec toi ?